Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Faites sauter les banques », une série de Rémi Douat réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a de la méfiance pour ces banques qui semblent toujours plus riches, de l'inquiétude face à des crises boursières qui nous dépassent ou des montages financiers comme des châteaux de cartes. Et en toile de fond, les prêts toxiques et cette désagréable sensation de se faire plumer. Alors pour commencer, les personnages, des team leaders, des emprunteurs, un ancien banquier, des banquiers responsables, un vrai conseiller, des collectivités locales qui se mordent les doigts et des clients qui banquent. Ensuite, le décor, des maisons à vendre, des hypothèques, des larmes, des banques en faillite, du cynisme, de la pression et des dégâts irréparables. Aujourd'hui, premier épisode, très vite on a le vertige. Le vrai pouvoir, c'est le capital qui exige de faire plus d'argent. C'est la domination du travail mort sur le travail vivant. C'est des grands mots. Quand je compare deux systèmes bancaires, le système bancaire français, dominé par 4 ou 5 grandes banques, et d'autre part le système bancaire allemand, qui a une grande banque, la Deutsche Bank, qui a d'ailleurs connu de graves difficultés, mais l'essentiel des banques sont des petites et moyennes banques, local, régional. Un des succès du modèle allemand en termes industriels, c'est ce que les Allemands appellent la Hausbank, c'est-à-dire le lien étroit qui existe entre les banques et les entreprises. Les banques, là-bas, en Allemagne, accompagnent les entreprises dans leur développement et ça assure leur stabilité à ces entreprises. En France, c'est exactement l'inverse. Nos grandes banques, elles sont peut-être très tournées à l'international, mais elles ne sont pas du tout tournées sur le local, sur notre tissu productif. Et pour moi, c'est un des facteurs explicatifs de la faiblesse de l'appareil industriel français. Cette course à toujours plus d'argent, l'argent qui exige plus d'argent. Il y a tous ces gens que nous connaissions qui emménageaient dans des maisons et on se demandait alors, mais comment vont-ils réussir à s'en sortir? Mais visiblement, ils arrivaient à obtenir des prêts. 2 ans plus tard, d'un seul coup, les banques se sont mises à saisir les maisons et c'était la conséquence directe de ces mauvais prêts octroyés en 2003. Et depuis, c'est l'effet domino. Il y a maintenant une maison sur deux à vendre le long de notre rue et c'est pareil à travers toute la ville et même la grande banlieue de Cleveland. Et j'ai le sentiment qu'avec le capital, il en va de même. Des communes françaises victimes de la crise financière mondiale, incapables de rembourser de gros emprunts à taux variable. Ce matin, réunis par Michel Alliot-Marie et Christine Lagarde, banquiers et élus locaux tenteront de trouver des solutions et de rétablir une confiance quelque peu altérée. Pour beaucoup de collectivités, les choses étaient taboues. C'est un peu une maladie honteuse d'avoir signé un emprunt structuré. Ce qu'on a pu constater avec cette crise, c'est qu'il a été extrêmement difficile de nettoyer les dégâts après coup. Les dégâts ne sont pas complètement nettoyés. On se demande même si les mesures qui ont été prises par les banques centrales ne sont pas en train d'alimenter la crise financière de demain. Faites sauter les banques. Banque toxique, quand la banque nuit gravement à la société. Rémi Douat, Assia Khalid. Dans le monde aujourd'hui, il y a une trentaine de banques dites systémiques. La plupart sont européennes. Dominique Plion, et économiste. Parmi ces banques, la trentaine, il faut savoir qu'il y en a 4, les 4 grandes françaises, banques françaises en font partie. Nous avons probablement, nous la France, le système bancaire au monde le plus vulnérable, une espèce de géant au pied d'argile, c'est-à-dire qu'on a des monstres qui apparaissent très puissants, et en effet ils sont très puissants, mais qui, par leur caractère systémique et par la fragilité que ça leur donne et que ça donne au système bancaire, on est comme sur un volcan. C'est-à-dire que demain, le volcan se met à cracher des laves, c'est tout le système bancaire qui sera en difficulté. Alors que dans le monde entier, dans les pays voisins, par exemple, en Allemagne, en Italie, on n'a pas ce phénomène-là. En France, on a une hyperconcentration. 4 banques font l'essentiel de l'activité. En Allemagne, vous avez une grande banque qui a eu elle-même des difficultés, d'ailleurs la Deutsche Bank. Mais autrement, L'essentiel du système bancaire est composé de petites et moyennes banques. De même aux États-Unis d'ailleurs, hein, ou en Italie. Donc on a un système qui est hypertrophié, qui est dominé par des mastodontes, des banques systémiques too big to fail, et ça c'est un vrai problème. Alors vous dites justement que ces mastodontes bancaires sont too big to fail, c'est-à-dire trop grands, trop gros pour s'effondrer. Oui. Alors en effet, ce sont des acteurs qui, par leur taille, mais aussi par les liens étroits qu'ils ont entre eux, si l'un d'entre eux est en grande difficulté, c'est-à-dire est en faillite, ne peut plus rembourser ses dettes, ne peut plus jouer son rôle de banque et de financier, eh bien, c'est tout système, d'où le mot systémique, bancaire, qui est touché. Mais quand on dit systémique, d'ailleurs, c'est même au-delà, c'est l'économie elle-même qui va être frappée par la difficulté de cette banque et puis de ces banques. Alors pourquoi on dit too big to fail ? Donc d'une part parce qu'elles sont énormes. Il faut savoir que le bilan de BNP Paribas, par exemple, en taille, c'est plus que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée chaque année par la France en une année. Donc c'est vous dire la taille. Si on prend les 4 ou 5 grandes banques, leur bilan agrégé fait 350% du PIB français. L'autre point, et ça c'est une caractéristique qu'on retrouve dans le monde bancaire, mais pas forcément dans les autres secteurs de l'économie, les banques sont extrêmement interconnectées. C'est-à-dire qu'elles se prêtent beaucoup les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle le marché interbancaire. C'est-à-dire que BNP Paribas, lorsqu'elle a des liquidités à un moment donné en excédent, elle va prêter à Société Générale. Le lendemain, ça sera peut-être l'inverse, Société Générale prêtera à BNP Paribas, etc. Et non seulement entre banques françaises, mais bien sûr ça se fait à l'échelle internationale. Ce qui fait que quand une banque va mal, une grande de ces grandes banques va mal, il y a un effet de domino qui peut se produire, parce que si cette grande banque ne peut plus honorer ses engagements, eh bien, elle peut mettre en difficulté celle à qui elle a emprunté, qui, à leur tour, étant en difficulté, de proche en proche, peut ainsi toucher, mettre en difficulté les banques. Et ce phénomène systémique est maintenant bien identifié par les autorités et par les économistes, cela fait un moment. Et donc, ça veut dire qu'il faut un traitement spécial de ces banques. L'évolution des banques, et les banques françaises de ce point de vue-là sont vraiment emblématiques, c'est qu'une partie croissante de leur activité est en effet tournée vers les marchés et notamment vers la spéculation et de moins en moins vers le financement de la sphère réelle de l'économie, c'est-à-dire les logements des ménages, l'investissement des petites et moyennes entreprises, etc. C'est clair. Pour vous donner un ordre de grandeur, au niveau européen, il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Liikanen, qui a été rédigé à la demande de M. Michel Barnier, qui était à l'époque le commissaire français, qui était en charge du système bancaire et financier, montre, donc statistique à l'appui, que en moyenne, c'est une moyenne européenne, donc de l'Union européenne, quand on regarde le bilan des banques, il y a seulement 30% de l'activité des banques qui est tournée vers le financement de l'activité réelle de l'économie, notamment les investissements des entreprises et des ménages. Et que tout le reste, ce sont des opérations financières. C'est-à-dire des opérations sur les marchés financiers qui peuvent avoir un rapport avec le financement de l'économie, mais le plus souvent un rapport indirect, très indirect, et qui ne sont pas donc directement liés au financement de l'économie. Moi, je dirais tout simplement que c'est un dévoiement de l'activité bancaire, c'est-à-dire que les banques ne jouent plus, et en particulier les très grandes banques, ne jouent plus leur rôle principal qui est finalement de financer l'économie. Et ça, c'est évidemment très grave, parce que une des explications des difficultés économiques que nous pouvons avoir, c'est lié à ce que les banques ne jouent pas leur rôle. Pour moi, il y a une première solution, c'est le crédit hypothécaire. Cela paraît très compliqué, c'est en réalité très simple. Eh bien, ça permet à 70% des Britanniques et des Américains d'être propriétaires de leur logement. Dans ces deux pays, les crédits sont garantis par l'existence du bien. Comprenez l'existence de l'appartement ou de la maison. En France, nous privilégions la garantie sur les personnes, ce qui conduit les établissements bancaires à écarter du marché du crédit tous ceux dont la situation professionnelle n'est pas assez stable pour assurer des revenus durables. Cette tradition est une injustice. Je souhaite la rupture avec cette tradition qui fait que pour obtenir un prêt, on doit avoir des relations. Je n'accepte pas cette injustice. Alors je propose de changer les règles prudentielles imposées aux banques, de simplifier le recours à l'hypothèque et d'en réduire le coût. Nous sommes en 2006. Nicolas Sarkozy préconise le prêt hypothécaire ou subprime, son équivalent américain. personne ne connaît encore le mot, mais le principe fonctionne déjà à plein régime outre-Atlantique depuis le début des années 2000. En 2005, déjà, Jacques Chirac soutenait l'idée de subprime à la française. Pour l'ex-président, c'est l'une des clés de la forte croissance américaine de ces dernières années. La bombe est amorcée. Car début 2007, la croissance est en berne. Le marché immobilier américain connaît sa plus forte baisse depuis un siècle. Parallèlement, les taux directeurs de la réserve fédérale montent. En d'autres termes, l'argent coûte plus cher. Et comme les subprimes sont des prêts à taux variables, le montant des remboursements explose. De plus en plus de ménages américains ne sont plus en mesure d'honorer leurs dettes. Les ingrédients de la crise immobilière sont réunis. Mais ce n'est pas tout. Les banques ont joué sur deux tableaux. Elles n'ont pas seulement vendu des crédits en masse, au détriment de la prudence la plus élémentaire. Pour les banques, il s'agissait d'abord de juteux placements spéculatifs. Avec le retournement du marché, ces produits bancaires toxiques s'effondrent. Les conséquences sont immédiates et spectaculaires. Aux États-Unis, la crise qui touche les crédits immobiliers ne cesse de pousser de plus en plus d'Américains à quitter leur maison, obligés de vendre. Quand j'ai appelé la société de crédit, ils m'ont juste dit si vous ne pouvez plus payer, quittez la maison et laissez-nous les clés. À l'américaine, sans sentiment, les déménageurs arrivent, mettent les meubles sur le trottoir et les expulsés n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. C'est de là que tout est parti. En février 2007, des panneaux à vendre qui se multiplient dans les rues des États-Unis. Des millions de familles américaines ont acheté leur maison grâce à des crédits à taux variables, les fameux subprimes. Lorsque les taux explosent, beaucoup ne peuvent plus rembourser, ils sont sans abri. La femme de la banque est arrivée et m'a dit « Vous devez quitter la maison et si vous le faites tout de suite, vous donne $1,000. » Les banques mesurent alors l'ampleur de la crise à venir car elles ont investi des milliards de dollars dans les subprimes. Avec ces maisons vides qui ne valent plus rien, la crise immobilière va devenir crise bancaire et une crise financière à l'échelle mondiale. Durant toute la journée, les bourses du monde entier ont ressenti les secousses causées par l'annonce de la quasi-faillite de Lehman Brothers. C'est une institution financière qui vient de s'écrouler. La banque Lehman Brothers existe depuis 150 ans aux États-Unis. C'est une énième conséquence de la crise des subprimes. Travailler dans ce qu'on appelle les infrastructures de marché. Benoît Lallemand, secrétaire général de Finance Watch et ancien banquier d'affaires. Beaucoup d'auditeurs connaîtront Clearstream. Le gros concurrent de Clearstream, c'est Euroclear. C'est là que j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Infrastructure de marché, c'est la plomberie des marchés financiers. Donc, ce qui est très intéressant quand on travaille dans ce domaine-là, c'est qu'on voit tout ce qui passe dans les tuyaux, c'est-à-dire tous les produits financiers. Une autre façon d'expliquer, c'est de dire que c'est une banque pour toutes les autres banques. Toutes les banques ont un compte dans cette banque, qui est l'infrastructure de marché, et c'est ce qui leur permet, quand elles font des échanges entre elles, de systématiquement utiliser cette plateforme pour faire les échanges de titres financiers, les échanges de cash, etc. Moi, j'étais un jeune dirigeant d'une équipe, team leader, si vous voulez, à ce moment-là, et quand j'ai commencé donc, dans les opérations, dans le business, j'étais en charge de... la création des titres financiers dans le système, ce qui revient à prendre la documentation d'un titre et à la traduire dans un système informatique qui permet de gérer le titre financier après. Et donc on a vu arriver à ce moment-là les fameux subprimes, qui étaient des titres financiers d'allure un peu particulière. Et donc voilà, c'est anecdotique, mais moi je me souviens que je devais former des employés à la traduction de cette documentation dans le système informatique. Et que des questions qui se posaient régulièrement auxquelles je devais répondre, c'était de dire, tiens, mais dans ces produits-là, finalement, d'où viennent les flux financiers? Donc, comment est-ce qu'on paye les intérêts aux investisseurs, etc. Alors que sur une obligation traditionnelle, on a un émetteur qui se doit simplement de payer des intérêts tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais donc, moi, je me trouvais dans ce secteur-là au moment où les subprimes ont commencé à arriver, donc quelques années avant la crise. Donc, on le rappelle, les subprimes sont un produit financier risqué, responsable de la crise de 2008, on peut le résumer comme ça ? On peut le résumer comme ça, donc c'est lié au phénomène de la titrisation qui revient à transformer en actifs financiers des contrats qui ne sont pas encore des titres financiers, comme des prêts bancaires. Dans le cas des subprimes, effectivement, c'est des prêts bancaires risqués, en gros des prêts à des personnes qui ne sont pas vraiment en mesure de rembourser ces prêts. Et donc on prend des gros risques, on les a titrisés, on a distribué ces risques partout sur les marchés financiers. Et donc on a eu cette mécanique de cercle vicieux qui s'est mis en place et qui a mené à la crise financière. Alors vous, concrètement, vous voyez arriver ces subprimes. À ce moment-là, vous travaillez donc pour une chambre de compensation. Est-ce que vous comprenez tout de suite le risque potentiel de ces produits ? Non, la réponse honnête, c'est qu'on ne comprend pas tout de suite. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un saut dans la complexité qui se fait et qu'on commence à avoir des produits qu'on ne comprend plus très bien. Moi, j'étais bien placé pour voir ça parce qu'on devait vraiment comprendre le détail de la structure de ces produits pour les intégrer dans un système informatique. Et on voyait bien qu'il y avait des zones d'ombre qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et donc, on a accepté de vivre avec ces zones d'ombre. Mais donc, on comprend tout de suite qu'il y a un risque dans l'augmentation de la complexité. On ne comprend pas tout de suite qu'on va avoir une crise financière aussi grave que celle qu'on a vue. Est-ce que vous vous étiez formé pour avoir une vision macroéconomique de tout ça ? Ou au contraire, vous étiez formé pour être efficace, le nez dans le guidon sur ces produits-là ? Alors, de fait, ça, c'est une très bonne question. Quand on travaille sur les marchés financiers, pour l'essentiel... Des employés, on est formé pour être très efficace, pour être le nez dans le guidon, pour gérer les processus, atteindre des objectifs à très court terme, et pas pour avoir ce recul macroéconomique, comme vous le dites. C'est ce qui fait que la crise a affecté tellement de monde. Je voudrais dire aussi à ceux qui me reprochent d'avoir fait ce plan pour les banques, qu'en 1929, il n'y a pas eu ce plan dans la grande crise. Et les gens sont venus avec des brouettes chercher l'argent, parce qu'ils n'avaient plus confiance. Ici, dans cette salle, vous tous, vous avez un compte en banque. Vous tous, vous avez vos économies à la banque. Si j'avais laissé tomber les banques, lequel parmi vous en aurait été satisfait ? Lequel m'aurait remercié ? Lequel aurait pensé alors que le gouvernement a fait son travail ? S'il n'y avait pas eu de panique parmi les épargnants, si vous avez continué à avoir vos économies, et vos engagements honorés, c'est parce que nous avons préservé le système financier de la faillite. C'était ça le choix. Alors je vois bien qu'un certain nombre, par démagogie et par populisme, dit « Ah, pourquoi elle a donné de l'argent aux banques ?» C'est pas aux banques, parce que les banques, c'est votre argent, c'est votre épargne. Ce sont les moyens de vous développer, pour vos entreprises ou pour votre famille. Combien le sauvetage des banques a coûté aux contribuables français ? Alors, c'est difficile de l'évaluer parce qu'il y a eu plusieurs types de sauvetage. Il y a eu d'abord des prêts immédiats que le Trésor public français a fait aux banques pour leur apporter des fonds, des liquidités. Parce que c'était une crise de liquidité au sens où les banques ne se prêtaient plus entre elles, justement, parce qu'elles se regardaient en chien de faïence en se disant « Peut-être que la banque avec qui je travaille d'habitude, moi je suis BNP Paribas, par exemple Société Générale ou HSBC, est en difficulté, mais elle ne le dit pas. » Et je ne vais pas lui prêter. Donc, il y avait un vrai problème. Donc, il a fallu que le gouvernement français fasse des prêts à des taux d'intérêt extrêmement avantageux. Deuxièmement, il y avait un risque sur le capital de ces banques, ce qu'on appelle aussi les fonds propres. Et donc, pour renforcer ce capital, c'est-à-dire pour les rendre plus solides, pour éventuellement qu'elles soient capables d'éponger des pertes futures éventuelles, l'État a acheté ce qu'on appelle des actions de préférence. Par exemple, j'ai le chiffre sous les yeux. Pour BNP Paribas, il a investi à hauteur de 5 milliards d'achats d'actions de préférence. C'est le contribuable qui a payé. Pour la Société Générale, c'était 1,7 milliard. Alors ça a coûté directement au contribuable. Vous voyez, si on prend ces deux banques, c'est 6,8 milliards. Mais si on prend toutes les banques, on est peut-être pas loin de la dizaine de milliards. Ensuite, l'État a apporté des garanties. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, je me porte garant au cas où une banque ne pourrait pas rembourser à hauteur, alors là, les chiffres que j'ai sous les yeux, c'est 320 milliards d'euros de garantie sur les banques françaises. C'est-à-dire, elle dit, voilà, sur le bilan des banques, il y a des parties qui sont plus risquées que d'autres, où il pourrait y avoir des problèmes, je me porte garant. C'est-à-dire, si la banque est défaillante, c'est moi qui paierai à sa place. Alors, heureusement, ces garanties n'ont pas eu à être exécutées, donc ça n'a rien coûté. Mais ça a permis aux banques de passer le cap. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le contribuable français qui a payé, mais il y a aussi le contribuable américain. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a eu une société d'assurance américaine, AIG, auprès desquelles nos grandes banques s'étaient assurées sur un certain nombre de produits. Et quand la crise est arrivée, les banques françaises ont demandé à faire jouer ces assurances. Ce qui a mis AIG en difficulté parce que toutes les banques, tous les clients, tout d'un coup, se sont tournés vers AIG disant « Payez les assurances, couvrez-moi à hauteur de l'assurance que j'ai contractée auprès de vous. » Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme AIG était en quasi-faillite, c'est le gouvernement américain qui a payé à la place d'AIG. Rien que pour la France, Société Générale a reçu du contribuable américain 11,9 milliards, BNP Paribas 4,9 milliards et Crédit Agricole 2,3 milliards. Donc vous voyez que le contribuable français a payé, mais le contribuable américain aussi. Donc quand les banques françaises disent « ça n'a rien coûté, le sauvetage des banques françaises », c'est faux. Mais alors, en tant qu'économiste, quand on étudie le coût de la crise, il ne faut pas uniquement regarder le coût par rapport au budget de l'État, mais le coût économique et social pour la société. Et par exemple, le Fonds monétaire international a fait plusieurs études, dont une qui est bien connue, qui est qu'en gros, pour la zone euro, donc ce n'est pas spécifiquement pour la France, hein, la crise bancaire, hein, avec la récession qui en a découlé à partir de 2009-2010, eh bien, a coûté l'équivalent de 23% du PIB de la zone euro. Hein. C'est presque un quart, hein, en l'espace de quelques années. Donc il faut bien voir que ce coût, il est absolument considérable si on prend en compte non seulement le coût direct, ce qu'a dû payer l'État et donc le contribuable, mais aussi le coût en termes de manque à gagner, en termes d'activité économique, et avec ses conséquences telles que le chômage, évidemment, qui en a résulté. Hein. D'où la nécessité de mener des politiques de régulation extrêmement contraignantes pour éviter que ce genre de catastrophe se reproduise à nouveau. Quand on parle à Michel Pébreau de sauvetage des banques, lui répond, pas du tout, sauvetage de l'économie. Oui. Parce que la crise bancaire s'est traduite in fine par une crise économique et sociale majeure dont les banques sont en grande partie responsables. Hein ? Mais donc, au départ, c'est pas les banques en soi qu'on veut sauver. Même à la limite, j'aurais été très content qu'on ne sauve pas les banques ou en tout cas les patrons bancaires et qu'ils se retrouvent derrière les barreaux. Ça m'aurait posé aucun problème, bien au contraire. La question, c'est sauver l'économie parce que derrière, il y a des emplois, il y a de l'activité, il y a des revenus. Et donc, oui, la question principale, c'est sauver l'économie. Mais comment sauve-t-on l'économie? Comment la protège-t-on face à un péril, à une menace qui est l'instabilité bancaire? C'est précisément en s'attaquant au système bancaire et en le régulant davantage, ce que ne veut certainement pas M. Michel Pébreau. Georges Pauget, président de la Fédération bancaire. Ce n'est pas un plan de sauvetage. Octobre 2008. Il n'y a aucune ambiguïté. Quand je prends l'exemple des 10 milliards d'euros, cela fera un gain pour le budget de l'État de 400 millions. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de subvention des banques. Nous ne laisserons pas un établissement financier tomber. François Fillon. Nous utiliserons tous les moyens qui sont à notre disposition. Septembre 2008. Sans dogmatisme. Ce sauvetage répond à notre conviction qu'aucune grande banque européenne ne doit être acculée à la faillite et que les États doivent assumer leurs responsabilités afin de garantir la sécurité des déposants et le fonctionnement de l'économie. Ce qu'on a pu constater avec cette crise, c'est qu'il a été extrêmement difficile de nettoyer les dégâts après coup. Jézabel Coupé-Soubéran, économiste. Les dégâts ne sont pas complètement nettoyés. On se demande même si les mesures qui ont été prises par les banques centrales ne sont pas en train d'alimenter la crise financière de demain. Les banques sont certes, si vous voulez, en capacité un peu plus grande aujourd'hui de faire face à des pertes éventuelles. Parce que depuis les accords de Bâle, ce qu'on appelle les accords de Bâle 3, on a exigé d'elles qu'elles détiennent davantage de fonds propres, ce qui leur permet d'être en capacité d'éponger des pertes éventuelles. Donc ça, elles en ont un peu plus, elles ont des fonds propres de meilleure qualité, ça a un petit peu changé. Elles sont également un petit peu plus en capacité de faire face à une éventuelle rupture de liquidité. Donc ça aussi, c'est un petit peu mieux. On a également élargi un peu le focus sur les grandes banques systémiques, hein, celles qui, au cas où elles tomberaient, entraîneraient tout le secteur avec elles et auraient des répercussions énormes sur l'économie réelle. Donc celles-ci font l'objet d'une supervision un peu renforcée, avec là encore des exigences de fonds propres supplémentaires. Bon. Tout ça, ça va dans le bon sens, mais ça ne va pas très loin. Quand on exige des fonds propres de la part des banques, on demande à ce que ce soit proportionnel au risque qu'elles prennent. D'accord ? Le problème, c'est que, en tout cas pour les grandes banques, eh bien, ce sont elles qui calculent leurs risques. Donc vous imaginez bien ce qui peut se passer. Hein, lorsque les banques sont autorisées à calculer par elles-mêmes leurs risques, elles les minimisent. Et tout cela aboutit, si vous voulez, finalement à une masse de fonds propres au bilan, sans doute encore très inférieure à ce qu'il faudrait pour que les banques puissent faire face un choc important. Voilà. Bon, il y a eu aussi des réformes importantes en matière de d'organisation. On a mis en place l'union bancaire. C'est arrivé tardivement. C'est quelque chose qu'il aurait fallu faire bien plus tôt. En même temps que la mise en place de l'euro, il aurait fallu organiser la surveillance des banques de la zone euro et maîtrise de la monnaie unique à cette échelle-là, à l'échelle de la zone euro. Il aurait fallu aussi, dès ce moment-là, penser à l'organisation de leur sauvetage éventuel à l'échelle de la zone euro. Tous les dispositifs étaient demeurés nationaux au prétexte qu'il fallait conserver la souveraineté des superviseurs, enfin la souveraineté de chaque pays, et donc laisser en place les superviseurs nationaux. Il a fallu une formidable crise financière suivie en Europe de la crise des dettes souveraines pour réaliser que ce n'était plus possible de superviser les établissements bancaires européens à une échelle strictement nationale et que c'était encore moins possible de les sauver en cas de crise à une échelle strictement nationale. Il faut rappeler, maintenant il me semble que ces ordres de grandeur commencent à être bien connus, qu'une banque comme BNP Paribas, en taille de bilan, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de la France. Bon, bah, on imagine bien que l'État français ne peut plus s'engager de manière crédible à sauver un établissement comme BNP Paribas si il arrivait un gros problème à BNP Paribas. Il faut que tout cela soit organisé à l'échelle européenne. Alors, c'est ce qui se fait progressivement avec l'union bancaire, sauf que c'est pas au niveau de l'Union européenne, mais au niveau de la zone euro que les choses s'organisent. Un superviseur unique a été mis en place pour les grandes banques de la zone euro, les banques dites d'importance. Ce superviseur, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ça fonctionne plutôt bien avec des équipes jointes de superviseurs, c'est-à-dire des équipes constituées à partir d'un personnel BCE et de personnel également des autorités de supervision nationale des différents pays de la zone euro. Donc ce premier volet, il est plutôt bien en place. Le deuxième volet, c'est un volet dit de résolution. Résolution, ça veut dire en fait les modes de résolution des difficultés des établissements bancaires en cas de problème. On pense par exemple au cas de Lehman Brothers aux États-Unis. Tout le monde a dit c'était une erreur de laisser tomber cet établissement parce qu'à partir du moment où on l'a laissé tomber, eh bien la crise est devenue d'une ampleur véritablement systémique. Si au moment de Lehman Brothers, on avait disposé de ce type de dispositif de résolution, eh bien la faillite de Lehman Brothers aurait été sans doute mieux organisée et n'aurait pas eu de telles répercussions. Donc c'est ça l'ambition de ces mécanismes de résolution, organiser les faillites bancaires et par là même rendre les faillites bancaires possibles. D'accord? Alors que ces faillites bancaires avaient un peu disparu de l'inconscient collectif. C'est particulièrement vrai pour les plus grands établissements bancaires parce que cela était jusqu'à la crise, pour ainsi dire, assurer qu'en cas de problème, de toute façon, on ne les laisserait pas tomber. Et c'est ce qui leur a permis de grossir encore plus, d'obtenir toujours plus facilement cette garantie implicite de sauvetage, et on est tombé dans un formidable cercle vicieux. Quelle est la nature du problème ? Eh bien, comme vous le savez sûrement, au cours des 36 à 40 derniers mois, l'entreprise a commencé à regrouper de nouveaux produits MBS qui combinent plusieurs tranches de notation financière en un seul titre négociable, ce qui s'est révélé extrêmement rentable, comme je pense vous l'avez remarqué. En effet. Eh bien, la compagnie vend une quantité considérable de ces produits tous les jours. Le problème, c'est qu'il nous faut, à nous, pratiquement un mois pour écouler ces produits correctement, ce qui cause un souci du point de vue du contrôle des risques. Et, Monsieur Sullivan, le souci est donc ? Le fait de garder ces actifs dans nos livres plus longtemps que nous le souhaiterions. Mais le facteur clé, c'est qu'il s'agit essentiellement d'hypothèques, ce qui nous a permis de pousser l'effet de levier considérablement plus loin que ce qu'on serait en droit de faire en toute autre circonstance, et de ce fait, d'augmenter le niveau de risque sans donner l'alerte. Vous savez qu'aux États-Unis, dans l'américain, on dit « too big to fail », mais aussi « too big to jail », trop gros pour aller en prison. Je pense que les prises de risques inconsidérées des responsables bancaires à commencer par les États-Unis d'ailleurs, hein, mais aussi en Europe, qui sont à l'origine de dégâts économiques et sociaux absolument considérables, pour moi sont des délits. C'est les relèves de délits. Et donc, ces gens-là acceptent d'avoir des salaires mirobolants. C'est la contrepartie d'une responsabilité qu'ils ont. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je suis patron de banque, je suis responsable. Et à partir du moment où je suis responsable et que ma gestion a causé une catastrophe, alors je dois payer par une responsabilité pénale. Et s'il y avait une responsabilité pénale importante, je pense qu'on aurait moins de comportements de ce type. Et d'ailleurs, on peut faire une gradation. Je comparerai les États-Unis, l'Allemagne et la France. Sur l'échelle, la France est le pays où on a la plus grande mansuétude à l'égard des responsables bancaires. Dans la loi bancaire, il n'y a rien, absolument rien de prévu pour sanctionner les dirigeants bancaires en cas de faute de gestion. En Allemagne, il y a un article dans la nouvelle loi bancaire qui prévoit que si il est avéré qu'un dirigeant bancaire n'a pas respecté les règles prudentielles, comme on disait, les règles de prudence, etc., il peut être sanctionné pénalement. Quant aux États-Unis, on voit qu'il y a des patrons qui sont allés en taule. Alors, ce n'est pas forcément des patrons bancaires, c'est des patrons financiers. Hein. Et donc, moi, je pense que les responsables de banque devraient non seulement être responsables, mais il ne faudrait pas que ce soit leur banque qui soit responsable. Il faudrait que ce soit qui soit responsable personnellement et sur leurs biens. Parce que quand on sanctionne une banque par une amende, comme c'est le cas, qu'est-ce qui paye ? Ce n'est pas le dirigeant qui est à l'origine de la faute, c'est sa banque. Donc, c'est ses actionnaires ou c'est, et par voie de conséquence, éventuellement, les salariés de la banque. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit le responsable. Il faut des tribunaux pour ça. Mais à partir du moment où il est avéré qu'il est responsable, il faut qu'il soit responsable sur ses biens. Et croyez-moi, s'il y avait cela, ça changerait les comportements. Parce que là, il y a un comportement. C'est-à-dire que si je sais, étant une banque systémique, trop grosse pour faire faillite, que je serais secouru parce que ma faillite est inacceptable et trop dangereuse pour la société, eh bien, je continue à prendre des risques. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'aléa morale. Mais si le patron de banque sait que s'il est avéré que sa prise de risque est excessive et que demain il sera sanctionné, à ce moment-là, il n'y a plus là, cet aléa moral parce qu'il sait très bien que lui-même devra rendre des comptes. Je peux aller un cran plus loin, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent les subventions implicites. C'est quelque chose qui est reconnu par beaucoup de gens, et y compris par le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, les grandes banques, too big to fail, bénéficient de ce qu'on appelle la garantie implicite de l'État. On sait que si elles sont en difficulté, elles seront secourues. Du coup, quand elles empruntent sur les marchés, elles payent moins cher qu'une banque qui n'a pas cette garantie. Ceci s'appelle la subvention implicite. On a calculé que pour la France, c'est chaque année de l'ordre, alors selon les estimations, entre 10 et 20 milliards d'euros de subvention implicite qui revient aux quatre grandes banques. Et ça, c'est aussi un facteur qui fausse la concurrence. Et ce que disaient beaucoup d'économistes, mais je suis complètement d'accord, c'est qu'il faudrait que les banques rendent cet argent. Par exemple, par une fiscalité spécifique. Alors, il y a déjà des tentatives dans ce sens, hein, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 20 milliards, si c'est 20 milliards qui sont estimés de subventions implicites, qu'elles les rendent et que ça rentre dans les caisses de l'État. Voilà. Et pourquoi les subventions implicites sont dangereuses ? Parce que ça pousse au crime. Quand un dirigeant bancaire sait qu'il paiera moins sur les marchés parce qu'il est too big to fail, eh bien ça l'incite à s'endetter encore plus, à prendre plus de risques encore. Donc si vous voulez, on est dans un système complètement pervers. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'on le sait, il y a des analyses, y compris par les instances comme le Fonds monétaire international, et pour autant, nos dirigeants ne prendront pas les mesures pour mettre fin à ce type de situation, ce qui est évidemment très dangereux et très critiquable. C'est une carte de France établie par la banque Dexia elle-même. Des petits points de couleur figurent les emprunts structurés contractés par des collectivités territoriales entre 1995 et 2009. Il y a des villages, des grandes villes, des départements. Des centaines de collectivités sont concernées, si bien que sur cette carte, le pays apparaît comme une grande tache de couleur uniforme. Un pays tout entier gangréné par ce qui deviendra plus tard le scandale des emprunts toxiques. Comment l'histoire s'est-elle vraiment déroulée ? J'ai rencontré Patrick Saurin. Pendant la genèse de la crise, il était aux premières loges. « Alors, je suis rentré à la caisse d'épargne en 1985 dans une caisse d'épargne du Sud, la caisse d'épargne d'Uzès. Il y avait à l'époque plus de 400 caisses d'épargne. Aujourd'hui, il y en a, je pense, 17. Vous voyez le mouvement de concentration. Et à l'époque, j'étais agent de guichet classique. Après, j'ai été responsable commercial. Et à partir de 1993, je me suis occupé du financement de ce qu'on appelle les acteurs publics locaux, à savoir les collectivités territoriales et les syndicats de communes et toutes ces autres déclinaisons, les hôpitaux publics et les organismes de logement social. Et mon travail, c'était de financer ces acteurs locaux en analysant leurs comptes et en décidant, donc en proposant au comité de crédit donc, de financer ou ne pas financer ces acteurs. Est-ce que la relation entre un chargé de clientèle auprès des collectivités et les collectivités est une relation de confiance ? Tout à fait. Et justement, et c'est sur cette base-là, finalement, que nous, on arrivait à être... aussi performant, voire plus performant que Dexia, parce qu'il faut savoir que Dexia Crédit Local de France avait 70% du marché. La Caisse d'épargne en avait environ 20 à 25%. Et à l'époque, moi, je travaillais dans le Sud, et dans le Sud, on faisait autant que Dexia. Précisément parce que on misait sur le conseil et les collectivités, leurs représentants avaient une grande confiance en nous. Alors que Dexia avait beaucoup des moyens, ils organisaient des formations, ils invitaient assez souvent au restaurant les élus. Bon, ils avaient des méthodes... disons commercial un petit peu limite déjà à l'époque. Donc là, on est au début des années 90, au milieu des années 90, puis arrive un nouveau produit. Alors les nouveaux produits, ce qu'on appelle, dans un langage euphémisé, les produits structurés, qui se caractérisent par une prise de risque qui est très conséquente. Grosso modo, vous avez deux parties. Vous avez une première partie, pendant la plupart du temps 3 ans, où vous avez un taux fixe. Et ce taux fixe, il est attractif parce qu'il est moins cher que le taux fixe classique. Mais la seconde période, on basculait dans un taux qui était calculé de façon révisable selon des modalités qui étaient complètement différentes. Je vais prendre un seul exemple. Le taux va être calculé sur la base d'une évolution entre l'euro et le franc suisse. Mais quand il y a eu la crise 2007-2008 après la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis qui s'est étendue à l'ensemble des banques, il y a eu un gros mouvement sur les monnaies, et notamment sur le franc suisse. Et à partir de là, on se retrouvait avec des taux qui étaient de l'ordre de 15, 20, 25%. La situation financière de la ville était catastrophique, puisque nous avions 40% d'emprunts toxiques. Sébastien Meurant, maire LR de Saint-Leu-la-Forêt. 40%, c'est-à-dire mon prédécesseur, avait signé en octobre 2007 8 millions d'euros d'emprunts toxique. Cet emprunt de 8 millions d'euros qu'a contracté la ville de Saint-Leu, combien est-ce que ça a coûté aux citoyens de Saint-Leu ? Alors, je ne peux pas vous répondre comme ça aussi précisément, parce que cela coûtera dans la durée. C'est tous les trimestres que les taux sont recalculés, et tous les trimestres, nous avons la note, la facture. On est incapable de savoir combien, sur la durée, va coûter ce produit. On a spéculé sur 2007 à 2035. Alors, aujourd'hui, la facture s'élève à combien ? Alors, aujourd'hui, la facture pour la ville de Saint-Leu s'élève à plusieurs millions d'euros. Nous sommes en 2017. La facture, donc ce que nous payons en plus par rapport au taux de départ, si cela avait été un taux fixe classique, on est à plus de 5 millions d'euros à ce jour. Donc, c'est 5 millions qui viennent manquer aux finances de la ville. Est-ce qu'il y a des projets concrètement auxquels vous avez dû renoncer ou alors des projets que vous avez dû retarder ? Donc, bien sûr, 5 millions d'euros, eh bien, c'est une année de taxes d'habitation. Et c'est un gymnase, c'est un restaurant scolaire. Donc, c'est d'investissements que nous, on n'a pas pu faire, qu'on a décalé, et notamment des services qu'on aurait voulu enrichir. Et on avait un projet de crèche collective qui n'a pas vu le jour encore. À cause, en grande partie, à cause de cet emprunt toxique. On a serré les vis comme jamais au niveau de la ville. On est passé, nous, à Saint-Leu-la-Forêt, de 2007, où nous avions 342 personnes qui travaillaient pour la ville, à 208 en 2015. Alors, quand ces produits arrivent, ils n'arrivent pas tout seuls. Ils arrivent après avoir reçu une autorisation, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont considérés comme légaux. Et en plus, ils arrivent avec, au niveau des commerciaux, un argumentaire. C'est-à-dire un document qui permet d'apporter des informations aux clients et d'anticiper par rapport aux objections qu'ils pourraient donner. Donc moi, je regarde ces argumentaires. Alors par exemple, l'argumentaire concernant les emprunts dont le taux est indexé sur l'euro et le franc suisse, ont montré une courbe de taux qui était relativement insipide sur les quelques dernières années. Ça bougeait pas trop. Donc le client était rassuré. On disait ce sont des produits qui sont sans risque, ce qui était écrit. Or moi, j'analyse les choses d'un point de vue économique, j'analyse les choses d'un point de vue déontologique et je m'aperçois que ces emprunts contreviennent à une circulaire de 1999 qui a été reprise ensuite en 2010, qui interdit aux collectivités locales de se livrer à des opérations spéculatives. Or là, justement, on était dans une opération spéculative. Le jeu sur les monnaies, qui est l'essence de la spéculation, on faisait miroiter à la collectivité un gain. Si je comprends bien, on a affaire à l'arrivée d'un produit qui bénéficie d'une autorisation. Oui. Mais qui pour autant est en contradiction. Absolument. Avec le droit. Tout à fait. Moi, je refuse de vendre ces produits. Je dis, voilà, je vois mes clients. Je leur dis, je suis désolé, j'ai des produits qui sont intéressants pour vous les trois premières années, mais je peux pas vous garantir que le taux va être un taux supportable pour vous parce que c'est un prêt spéculatif. Donc prenez soit du taux révisable classique, soit du taux fixe, mais ne prenez pas ce genre de produit. J'ai eu des injonctions de la part de ma hiérarchie qui me disait, voilà, t'es le seul à ne pas vendre ces contrats, bon, etc. Ça a duré la pression qui m'a été faite des années 2000 à 2004. Et j'ai tenu, je n'ai vendu aucun de ces produits. Moi, j'ai une obligation en tant que conseiller. Obligation d'information, obligation de conseil. Ces deux obligations, elles sont essentielles. Et en ce qui me concerne, moi, si on m'avait attaqué, je me serais battu sur ces deux impératifs-là. Mettez-vous à la place d'un maire d'une toute petite commune qui connaît son banquier depuis 20 ans. Le banquier vient le voir, lui dit « Écoute, j'ai un produit magnifique pour toi ». Le banquier n'a pas compris ce qu'il vendait aussi, peut-être. Et il lui vend ça. L'élu signe, ça fait 20 ans qu'il connaît la personne. Donc il y a un abus à tous les niveaux. Dexia avait les moyens d'inviter dans des séminaires, dans des formations, dans des repas d'affaires, avait les moyens d'inviter et de faire un lobbying jusqu'à changer les mots. Taux fixe fort, taux fixe faible. Gestion active de la dette. C'était de la gestion active de la dette. Si vous ne faisiez pas de gestion active de la dette, vous étiez has-been, vous n'avez rien compris. Vous étiez un vieux dinosaure. Qu'est-ce qui se passe quand ces emprunts arrivent et que les collectivités voient les banques leur réclamer des taux de l'ordre de 15, 20 ou 25%, elles refusent de payer. Alors, on est en droit de se dire, mais pourquoi elles n'utilisent pas la clause dans le contrat qui leur permet de faire un remboursement anticipé ? C'est-à-dire, ben, plutôt que de payer du 25%, je vais rembourser mon emprunt et je vais souscrire un emprunt à taux fixe à 3 ou 4%, qui était le taux du moment. Parce qu'elles ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, les banques, elles ont prévu une clause dans laquelle la collectivité qui sort de l'emprunt doit payer à la banque le manque à gagner des années récentes. Quand Nîmes a dénoué son emprunt toxique, il y avait sur les 12,5 millions, il restait 10 millions. Il restait 10 millions de capital restant dû. Le crédit foncier a réclamé, en plus des 10 millions, une indemnité de 58,6 millions. Rendez-vous compte de ce que ça représente à une époque où les banques empruntaient à la Banque Centrale Européenne à 0%, voire à moins 0,40%. C'est-à-dire, dans un contexte où l'argent ne coûte rien aux banques, les banques vont encaisser, se font payer des indemnités qui représentent près de 6 fois le capital restant dû. Alors, des collectivités décident d'agir en justice. Alors, déjà, je m'informe autour de moi pour savoir si nous étions les seuls dans cette situation. Donc je m'informe auprès de mes collègues et au début je me sens tout seul. Personne ne me dit qu'il a dans ses comptes ce genre d'emprunt. Et en fait, je me suis rendu compte que de très nombreuses communes s'étaient fait abuser par les banques. Et de droite comme de gauche, personne ne voulait dire, surtout pas, qu'ils avaient signé et qu'ils s'étaient fait berner par les banques. Donc je vais voir des collègues, des personnes connues, anciens ministres, anciens députés, et je leur dis mon intention d'aller porter le fer devant les tribunaux et dire que les villes ont été abusées. Et là, je me trouve assez isolé dans cette position, car mes copains de droite me disent « Mais Sébastien, qu'est-ce que ça va t'avancer à quoi ?» Bon, je dis « Mais Et mes copains de gauche me disent, mais vous croyez, tu crois Sébastien que les banques n'ont pas de bons avocats? Après, je découvre en fait qu'il y a des usages qui ne se font pas. Attaquer une banque, ça ne se fait pas. Attaquer une banque en France, ça ne se fait pas. Et donc, moi, je prends le pari et je suis la première commune derrière, en fait, le département du 93 à obtenir une victoire devant le tribunal de Nanterre. Donc, nous gagnons en première instance. Au bout de 4 années, Dexia est condamnée à nous rembourser sur le taux le plus bas qui existe, qui est d'ailleurs le taux d'intérêt légal, depuis la signature de ce contrat jusqu'à la fin du contrat, qui est un contrat de 35 ans. Le taux d'intérêt légal, il était à l'époque, il est resté des années à 0,04%. Donc ça a son importance, puisque nos taux toxiques sont montés jusqu'à plus de 30%. Et là, Dexia a été condamné à recalculer tous les ans jusqu'à la fin du contrat à 0,04%. Donc c'était une sacrée victoire pour nous et une sacrée victoire pour toutes les collectivités qui avaient abusé. Il y en a des milliers, collectivités, hôpitaux. Ils attaquent les banques sur plusieurs pistes. Manquement au devoir d'information, défaut de conseil, j'en cite quelques-uns, et en annexe, les collectivités attaquent les banques sur le défaut du TEG. Le TEG, c'est le taux effectif global, une mention obligatoire dans les contrats qui doit récapituler le coût total du crédit. Or, ces contrats étaient souvent tellement tarabiscotés que les banques n'arrivaient pas à les calculer ou donner quelque chose, un TEG inexact ou approximatif. Et les TGI, notamment le tribunal de grande instance de Nanterre et celui de Paris, ont fait droit aux collectivités qui attaquaient, mais sur la base du défaut de taux effectif global ou taux effectif global erroné. Cette jurisprudence qui commençait à se décider a créé un afflux d'attaques contre les banques devant les tribunaux, puisque sur la base du TEG, on était quasiment sûr de gagner. Donc dans ce contexte-là, l'État actionnaire de Dexia, l'État s'affole, parce que on parle de 17, de 20 milliards d'euros de risques pour l'État français. C'est-à-dire que ces 20 milliards d'euros, ce n'est pas rien dans un budget qui est déjà déficitaire. Ça fait varier les critères de Maastricht. Donc il faut trouver une parade. La parade, c'est de changer la loi. Dans une démocratie comme la France, la parade d'un président qui était l'ennemi de la finance, c'est de changer la loi. En juillet 2014, on change la loi et, évidemment, les banques vont pouvoir s'en sortir puisqu'on casse cette notion de TEG. Nous avions gagné sur une notion de non-apparition du taux effectif global lors de la signature du contrat et la loi permet de casser cette jurisprudence. Donc là, en juillet 2014, donc l'État fait passer une loi en plein été pour permettre aux banques de s'en sortir. Et c'est une injustice, c'est une atteinte pour moi à la démocratie moderne. Dans aucun pays européen, les banques s'en sortent sur les mêmes types de produits. Nous, en France, non seulement les banques s'en sortent, mais avec la complicité de l'État, qui fait passer une loi à vocation rétroactive. On peut dire que les parlementaires volent au secours des banques. On est très très loin de mesurer les conséquences pour les investissements, pour les collectivités, pour les hôpitaux. Donc cette loi en 2014 fragilise la position des plaignants. Et nous, en fait, nous perdons en appel en septembre 2016. Et nous nous portons en cassation. Nous en sommes là pour l'instant avec un espoir, c'est que partout en Europe, pour les mêmes choses, les banques ont été condamnées. Dans le même temps, comme il fallait quand même donner quelque chose, l'État a créé un fonds de soutien pour sortir de ses emprunts. Ce fonds de soutien, il est alimenté de deux façons. Il est alimenté pour l'essentiel par l'État, c'est-à-dire nous en tant que contribuables, et les banques en payent notre partie. Sauf que quand on regarde le fonctionnement des banques, et j'étais bien placé pour le voir, la contribution des banques à ce fonds de soutien, elle a été permise à travers une augmentation des tarifications bancaires. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas de la ville de Nîmes Métropole, avec une indemnité de 58,6 millions d'euros, il y a une aide de l'État très considérable de 36,6 millions à travers le fonds de soutien. Mais si on regarde bien, les contribuables locaux, ils vont payer une partie qui n'est pas prise en charge par le fonds de soutien. 58,6 moins les 36, ça fait 20,8 millions d'euros que les contribuables locaux payent. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où le contribuable, il a trois casquettes. Contribuable local, il paie la partie qui n'est pas prise en charge par le fonds de soutien, et il a deux autres casquettes dans le cadre du fonds de soutien, la moitié en tant que contribuable national et la moitié en tant que client bancaire. Donc là, depuis, les collectivités ont été incitées très fortement à bénéficier du fonds de soutien monté à la va-vite après pour faire passer la pilule. Et j'ai pu mesurer, moi, dans ma commune à Saint-Laurent-de-la-Forêt, jusqu'au dernier jour, jusqu'à 20h, ils ont essayé de contacter mon maire adjoint, mon nouveau directeur général, pour nous inciter à passer sur le fonds de soutien. Et je peux vous dire que de nombreux collègues ont subi des pressions de la préfecture, des services de l'État, pour passer sur le fonds de soutien. Car si vous acceptiez ce fonds de soutien, vous abandonniez la possibilité de porter plainte contre la banque. Et le fonds de soutien est pervers. Le fonds de soutien, vous êtes aidé les premières années. Aujourd'hui, il y a des élus qui ont signé. Ils ont donc de la trésorerie qui rentre, qui leur permet de boucler leur budget. Mais après, qu'est-ce qui va devenir dans 10 ans, dans 15 ans, ce fonds de soutien ? Christine Lagarde, septembre 2008. Il était indispensable que l'État intervienne pour deux raisons. D'abord, permettre la continuité du financement des collectivités locales. Je rappelle que Dexia Crédit Local finance la moitié des collectivités territoriales françaises. Et d'autre part, pour soutenir et assurer la stabilité du système financier, tout simplement parce que Dexia représente 650 milliards d'euros de bilan et qu'il n'était pas question de prendre un risque systémique sur cette banque. Comment est-il possible qu'une banque publique, Dexia, à l'époque, vende des emprunts de ce type sans qu'il y ait de contrôle de l'État ? Si gouverner, c'est prévoir. Eh bien, en matière de finances, en matière d'emprunt structuré, l'État a été inepte dans sa façon d'agir. Personne n'est responsable. Et ça, c'est peut-être le pire aujourd'hui. C'est ceux qui ont fabriqué ce scandale-là sont toujours aux manettes. Et on a mis la poussière sur le tapis. Mais c'est une poussière, plusieurs milliards d'euros. Et c'est une poussière qui handicape un grand nombre de collectivités, un grand nombre d'hôpitaux. Et évidemment, cet argent qui va vers la finance, qui retourne vers la finance et les marchés financiers, ça n'encourage pas évidemment l'activité, l'investissement et l'emploi en France. Faites sauter les banques. Banque toxique, quand la banque nuit gravement à la société. Avec Dominique Plion, Jézabel Coupé-Soubéran, Benoît Lallemand, Patrick Sorin, Sébastien Meurant. Documentation Caroline Chaussé, Valérie Ernoux, Michael Simon. Prise de son Hélène Langlois et Thomas Robin. Mixage, Pascal Bénard. Bruitage, Sophie Bissens. Coordination, Perrine Kervran, assistée de Marie-Vonne Abolivier. Une série documentaire de Rémi Douat, réalisée par Asya Khalid. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la salle des marchés, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, lobby bancaire et banquier pantouflard. Mais en attendant, restez à l'écoute.